On va parler avec notre ami Marc Griffin de l'actualité dans le baseball. Salut Marc. Salut Danny. Marc, d'abord, comment tu trouves le début de saison des Blue Jays? C'était très encourageant la semaine passée à New York, pas mal moins cette semaine au Texas. Écoute, Ross Haskins, c'est sûr qu'il manque Robert Ray, il manque Nate Pearson. Déjà on n'était pas très, très, on n'avait pas beaucoup de profondeur, même avec les deux. Et là, maintenant, tu sais, avec les deux, avec Pearson et Ray en santé, là t'en perds deux. C'est pas rassurant. Moi, j'ai l'impression que va falloir que Ross Haskins bouge assez vite là, pour aller chercher, au moins essayer d'aller chercher un lanceur. Ouais, ben écoute, oui, je vais répondre oui à tout ça. Par contre, regarde ce qui se passe ailleurs. C'est pas mieux ailleurs. Je vais juste dire ça de même, là. C'est que même si tu regardes les Yankees, si jamais Taillon et Kluber, ça marche pas, là, tu vas dire, ben là, ça y va. Tu sais, qu'est-ce qui va se passer avec les Rays, avec quelques nouveaux venus? Tu sais, je veux dire, tout le monde a un problème de lanceur ou presque. Tu sais, il y en a très peu. On peut parler des Mets, des Nationals, là, tu sais, je veux dire, les Indiens qui n'ont pas trop de problèmes, mais c'est quoi, 4-5 équipes là, sur 30? Fait que, tu sais, il faut faire attention, tu sais, je comprends. Les Jays, c'est pas la même équipe. Tanner Roark, pour moi, c'est pratiquement terminé, cette affaire-là. Là, c'est difficile. Mais, tu sais, tu découvres un Merryweather, tu découvres quelque chose de le fun. Tu sais, je veux dire, il y a des belles affaires, puis t'as pas Springer non plus encore. Fait que moi, je trouve que c'est un début de saison correct. Ça sera pas comme on aimerait. Tu sais, Semien n'est pas encore décollé, même sur une coupe de coup de circuit. Tu sais, il y a pas une petite constance qui s'est installée encore. Fait que moi, j'aime ce que je vois quand même. J'ai une fenêtre dans la division Est de l'Américaine. Ils vont être dans le coup. Moi, je pense pas que les Blue Jays vont s'effondrer. Ils vont être dans le coup. Il y a beaucoup trop de talent dans cette équipe-là. Mais tu as raison de mentionner que, tu sais, avec Pearson, avec Ray, ça va être une meilleure équipe. C'est de toute évidence. Et évidemment, t'sais, rajoute un Springer dans la formation. Ouais, là, ça change la dynamique pas mal. Ça change pas mal de choses. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est décevant la série face aux Rangers après avoir vu celle face aux Yankees, mais je pense que, tu sais, évidemment, là, on va en jouer une complète, normalement, là. Fait que, faut juste s'assurer que les gars qui doivent produire commencent tranquillement à produire, puis ça va bien aller. Ben, on dit souvent qu'au baseball, hein, au mois d'avril, tu gagnes pas des championnats, tu perds des championnats. Donc, l'important, c'est pas de perdre un championnat. Ouais, puis en même temps, là, ouais. Regarde, tu vas en gagner 60, tu vas en perdre 60. Ouais. En partant, il faut que tu te dises ça. Les 42 autres vont pas mal déterminer ce qui va se passer. Fait que, faut se mettre dans la tête là, que tu vas en perdre 60, probablement 70. Après ça, qu'est-ce que tu fais avec le reste? Alors, c'est pour ça que faut pas paniquer avec ça, évidemment. OK, donc ça va. C'est Steve Martz qui lance encore ce soir. Il était très, très bon lors de son premier match au Yankee Stadium la semaine passée. J'ai bien hâte de voir ce que ça va faire. Marc, hier, les Jays ont annoncé, c'est le baseball majeur qui a annoncé qu'il allait déménager les Bisons de Buffalo à Trenton. Donc, ce qui veut donc dire que fort probablement que les Jays vont aller jouer à Buffalo. Ils ne resteront pas à Dunedin très très longtemps. Moi, j'avais espérance d'aller au match des Étoiles que ça allait jouer à Toronto. Là. Ça n'a pas de l'air. Puis, je viens de faire un entrevue avec Mario Cicchini, président des Alouettes pour la Ligue canadienne. Puis de la manière qu'il parle, quelque part, il parle de jouer au mois de septembre. Ça ressemble pas mal à ça. Il faut savoir lire entre les lignes. Là. Fait que c'est minimum le match des Étoiles. Là. Ça, c'est le plus tôt, j'ai l'impression. Ouais, écoute, c'est on vit dans un monde où on sait pas trop comment on va vivre ça. C'est sûr que ça ne peut pas traîner en Floride, parce que lorsque tu arrives au mois de juin en Floride, c'est chaud. Puis ça pense, tu sais, évidemment, les Rays et les Marlins jouent dans des stades intérieurs avec évidemment une température qui est bien calibrée, comme on dit. Là. Fait que c'est évident que ça s'en allait à la Buffalo, tout ça, mais tu sais, on sait jamais. À coup que la vaccination va un petit peu plus vite que prévu. Mais c'est des facteurs, qu'est-ce que tu veux, qu'on contrôle pas présentement. Puis ce que j'espère, c'est que ça nuise pas trop. Évidemment, aux Jays. Ça les a pas nuit tant que ça l'année dernière, mais là, on part, tu sais, on fait voyager tout le monde. C'est pas facile pour la famille. Il y a des défis additionnels pour les Jays, c'est clair. Ross Haskins, 5 ans. Moi, je l'éteins un dessus, puis Marc, ça fait longtemps qu'on collabore ensemble. Tu sais, comment j'ai été critique de Ross Haskins, puis je peux dire que toi, tu étais un petit peu d'accord avec moi quand je parlais de ça, sauf que forcément, l'admettre que. C'est sûr que nous autres, on regardait ça, puis il remplaçait un homme qu'on aimait beaucoup, Alex Antopoulos. Donc, déjà là, on n'était pas très vendu à Ross Haskins. Mais quand ils sont arrivés à Toronto, lui et Shapiro, c'était clair qu'il y avait un plan. Puis là, le plan, on le connaît un peu plus. Puis j'ai l'impression. C'est quand même mérité, je pense, le 5 ans à Ross Haskins. Ben, écoute, tu sais, je pense qu'on avait, on avait raison de se poser des questions. Puis je te dirais qu'à la limite, tu regardes, là, quand Shapiro est arrivé, là. C'était quoi son travail numéro un? C'était de diminuer les dépenses. Écoute, il est arrivé, puis il a vidé, les vétérans sont tous partis, les gros contrats, ça s'est épuré. Et là, il est arrivé quelque chose chez Rogers. Parce qu'à un moment donné, il y avait même, tu rappelles-toi, il y avait des rumeurs de vente, il y avait des rumeurs de ci, de ça. Fait que je pense que à un moment donné, on a changé de propriétaire, on a changé de président, en fait, puis oups, là, soudainement, on réinvestit dans l'équipe. Fait que il s'est passé quelque chose en haut. Je vais dire au troisième étage, là, il s'est passé quelque chose où que là, finalement, on a peut-être ouvert un petit peu les valves et on a dit, OK, là, on va repartir la machine. Parce que c'est clair que lorsqu'on était un petit peu, entre guillemets, critiqueux de tout ça, honnêtement, là, je pense que le plan initial, c'était de calibrer ça, c'était de diminuer la masse salariale, c'est de tenter d'être compétitif, mais sans plus. Là, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui se sont dit, là, OK, là, on veut gagner. Est-ce que le championnat des Raptors, parce qu'on a vu, que les Raptors, il y avait l'euphorie, là, puis il y avait l'euphorie à Toronto quand les Jays étaient en série aussi. Est-ce que le championnat des Raptors a pu réveiller un petit peu Ben, écoute, je pense qu'honnêtement, c'est au-delà de ça. Tu sais, c'est financièrement en haut, là. Ouais. Les gens ont probablement vu ce qu'en 96, ça avait donné, là. Là, on s'était dit, OK, regarde, qu'est-ce que tu veux, là? Faut que tu montres à la population, aux partisans, que t'as de l'espoir. T'offres de l'espoir aux partisans de gagner. Puis là, écoute, il n'y a pas plus que deux ans, là, Vladimir Guerrero, on avait hâte qu'il arrive parce que c'était le sauveur, parce qu'on n'avait pas grand-chose. Tu comprends? Fait que ça a changé, puis évidemment, puis j'enlève pas le crédit à Atkins ou son équipe, mais ça a changé la synergie complètement. Puis là, les Blue Jays, là, c'est pas un petit marché, c'est pas un marché moyen, c'est un gros marché. Et là, on agit en gros marché. Ça veut pas dire qu'il faut que tu dépenses les yeux fermés. Ça veut dire que tu as le droit de dépenser et d'avoir une équipe qui est compétitive, puis dépenser, évidemment, intelligemment. Donc, tu développes des jeunes. Ce qu'on a fait, évidemment, on a Bichette, on a Biggio, on a Guerrero, on a un paquet de jeunes. Là, t'es entour d'une couple de vétérans. Tu viens de signer Springer, tu vas signer Siemien. Tu sais, la stratégie fonctionne, elle est bonne. Je pense qu'on n'est pas loin de quelque chose de vraiment extraordinaire, mais c'est clair, à mes yeux, qu'il y a eu un changement à la très haute direction de Rogers pour que on change complètement la philosophie. Puis, t'sais, encore une fois, là, je blâme pas Shapiro et toute la gang, mais je pense qu'eux autres même ne savaient pas trop où on s'en allait avec ça. Et finalement, on a eu une direction précise. Puis là, ben, on est en train de la prendre, cette direction-là, puis de s'en aller vers quelque chose qui est pas mal plus fun pour les partisans. L'action de Rogers avait monté. Je me rappelle en 2015, quand les Jays étaient là, l'action avait monté de pas mal. Puis on peut se dire, moi puis toi, c'est à cause des Blue Jays aussi. C'est ça qu'on avait de la misère à comprendre un peu. On avait de la misère à comprendre. Marc, les Red Sox, j'ai regardé un petit peu cette semaine. C'est un club qui a complètement perdu son identité. Hein. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Excuse-moi, ça a comme coupé d'année. Ouais, j'ai regardé les Red Sox cette semaine. C'est un club qui a perdu son identité. Il n'y a plus d'identité dans ce club-là. Avant, tu avais David Ortiz. Ouais. Il représentait l'image des Red Sox. Tu avais Mookie Betts. Tu avais... Là, il ne semble plus rien avoir. Est-ce que tu es d'accord? C'est qui l'identité des Red Sox? Ben écoute, là les Red Sox, là, c'est pas une reconstruction, on n'a pas le droit de dire ça à Boston. Là. Ouais. On est en transition. On est en transition vers quelque chose de meilleur, mais ça prend. Comment je te dirais ça? Oui, ça prend une équipe qui gagne, mais ça prend des joueurs charismatiques. Ça prend des gars qui vont. T'as parlé de David Ortiz, Mookie Betts qui était là. Les trois voltigeurs, Benintendi, Bradley, Betts, ça donnait une identité aux Red Sox qu'on a perdu, c'est clair. T'avais Dustin Pedroia aussi. Ben oui, exactement. Ouais. Alors là, c'est pas facile. Il faut que tu trouves. Regarde, c'est pas pour rien qu'on a changé la direction au baseball. On est en train de se bâtir un réseau de filiales qu'on avait pas très, très bien garni au fil des années. Ouais. Même si on gagnait au niveau majeur, on n'était pas en train de développer un paquet de joueurs. Là, Devers, c'est le dernier, là, mais après ça, les Chavis, c'est correct. Mais on n'est pas en train d'aller chercher un autre Bogarts ou un autre Mookie Betts. Fait que c'est sûr que là, on a du travail à faire à ce niveau-là du côté des Red Sox, mais on n'a pas le droit de dire qu'on est en reconstruction. C'est un peu comme les Canadiens. On est en train de tôt. Ben, écoute. Puis tu sais, là, on va écouler le contrat de J.D. Martinez, puis on va. Tu sais, il y a des décisions qui vont être prises, mais évidemment, ça sera pas facile, mais je pense pas que les Red Sox sont un si mauvais club que ça. Contenu, encore une fois, qu'il peut y avoir des problèmes de lanceurs dans à peu près toutes les équipes de la division Est américaine. T'sais, fait on va jouer 500, peut-être. Si on joue 500, pour moi, ça va être une bonne saison pour les Red Sox. Ouais. Merci beaucoup, Marc. On s'en reparle dans une couple de semaines. Notre ami. Au plaisir. Marc, salut. Griffin.